voudrais avoir le front sur le sol et implorer le pardon du tout puissant. Que mes parents soient fiers de moi, c'est le cœur qui pleure, c'est le cœur qui parle putain. Mais le bonheur où il est, je sais pas, mais si on se tue pour l'illusion. On est là que de passage, revenons aux sources, on se trompe de combat. Et moi de premier, on est mal parti, que Dieu nous guide. Je voudrais dire à tous mes amis et ennemis, ceux qui m'ont haï ou aimé, que je les respecte tous.